J'ai entendu dire que les mauvais sujets ont l'intention d'organiser un charivari à l'occasion de notre mariage. Est-ce vrai, prince? Oui, c'est vrai, Nastassia. Je ne comprends pas pourquoi tous ces gens s'agitent et s'indignent à l'idée que je vous épouse. Oh, tu ne comprends pas. Oh, pauvre idiot. Et que fais-tu de la jalousie et de la méchanceté humaine? Mais qu'il crie, qu'il siffle! Cela m'est égal. Je ne renoncerai jamais à notre mariage. J'espère que Glaïa Ivanovna assistera à la cérémonie et entendra le oui que tu diras au prêtre lorsque ce dernier te demandera « Voulez-vous prendre Nastassia Philippovna pour épouse ?» Peut-être s'évanouira-t-elle en pleine église. Qu'en penses-tu? Je ne crois pas qu'Aglaé vienne à notre mariage, d'ailleurs. Je n'y tiens pas. Toi, mais moi, j'y tiens. Ce serait pour moi une joie merveilleuse. Un véritable triomphe. Il était 11h du soir lorsque Nastassia me permit de me retirer. Mais une heure plus tard, un domestique m'apporta un billet d'elle. Au nom du ciel, reviens immédiatement. J'ai besoin de ta présence. Tout est sombre et effrayant autour de moi. Et puis j'ai oublié de te dire une chose très importante. Viens tout de suite. Je trouvais Nastassia enfermée dans sa chambre en proie au désespoir. Longtemps, elle ne voulut rien entendre de ce que je lui disais à travers la porte. Elle l'ouvrit enfin, me laissa entrer et tomba à genoux devant moi. Qu'est-ce que je fais, prince? À quoi vais-je te forcer? À épouser une femme déshonorée, une catin? Oh, malheur à moi! Comment puis-je t'abaisser et t'humilier de la sorte? Écoute, Léon Nikolaïevitch, laisse-moi. Laisse-moi pendant qu'il en est encore temps. Je ne suis pas digne de toi, tu le sais, alors sauve-toi. Sauve-toi vite. Je passai une partie de la nuit près de Nastassia en larmes. Enfin, elle s'endormit et je regagnai ma chambre. Sans me déshabiller, je me jetai sur le lit et fermai les yeux. Je n'en pouvais plus. Je me réveillai en sursaut. Il faisait grand jour, quelqu'un frappait à ma porte, depuis longtemps sans doute. J'ouvris, c'étaient mes témoins et les Bedef. Oh, vous nous avez fait peur, honorable prince. Je voulais déjà appeler un serrurier pour défoncer la porte. Alors, êtes-vous prêt? Presque. Le temps de me changer. Oh, vous n'avez même pas regardé Bourdovski et Keller, vos témoins. Cependant, ils ont accompli des efforts inouïs pour être à la hauteur de leur tâche. L'air digne, ganté de blanc, je vous assure qu'ils sont magnifiques. Y aura-t-il beaucoup de monde à l'église? Oh non, tranquillisez-vous, honorable prince. Rien que des intimes. Les Ptitsine et leurs amis, les Ivolgin et leurs amis, Daria Alexeyevna et ses amis, les autorités de la ville, des moines et des nonnes que Nastassia Philippovna a invités, les dames des bonnes œuvres, elles, que personne n'a invitées. Ah, j'allais oublier. Le professeur Platonov viendra également. Pourquoi faire? Mais pour donner plus d'éclat à la cérémonie, très estimé prince. Voyons, le professeur Platonov est une sommité et il est décoré de la Grand Croix de Sainte-Anne. Et puis, sa présence à l'église fermera la bouche à ceux qui prétendent que vous ne jouissez pas tout à fait de votre raison. Ah, voilà, voilà, vous êtes prêts. Allez, maintenant, partons, nous sommes en retard, il me semble. Précédé du boxeur Keller qui jetait des regards menaçants sur la foule, je montai avec difficulté les marches du parvis. Puis je m'arrêtai une minute, cherchant à reprendre mon souffle. Bourdovski et Kolia me poussèrent gentiment dans l'église. Le boxeur Keller me souffla à l'oreille. Courage, prince. Vous n'êtes pas le premier ni le dernier qui se marie. Mais je vous laisse. Comme de coutume ancestrale me commande de le faire, je vais chercher la fiancée. Nastassia Philippovna. Et accompagné de Bourdovski et de Kolia, le boxeur Keller s'en alla. Réfugié près de l'autel, je contemplais un moment les images sévères des apôtres et des saints. Je voulus me recueillir devant un crucifix, mais je ne pus le faire. Le visage de notre Seigneur, au lieu de me parler de joie et d'espoir, n'exprimait qu'abandon et tristesse infinie. J'en fus profondément déconcerté. Alors je fermai les yeux, et la pitié s'emparant de moi, je pleurai silencieusement sur son sacrifice inutile. C'est à ce moment que j'entendis le brouhaha de la foule qui se pressait devant les portes de l'église. Je m'empressai de sortir. Et voilà la fiancée, brave Jean. Elle est pure et chaste comme il se doit. C'est une traînée. Elle me soulève le cœur avec sa robe blanche et son voile. Oh, le mariage arrange tout, frère. Et l'eau bénite efface les taches les plus rebelles. Tu sais pas cela? Je crache au visage à cette créature, si. Si j'étais pas soucieuse de ma dignité. D'ailleurs, elle n'est pas si belle qu'on le dit. Elle n'est pas mal. C'est dommage qu'elle ait un tassimat, on dirait une zigane. Ah là, mes petites vieilles, vous n'êtes pas juste. C'est une dévergondée, je vous l'accorde. Ouais. Mais pour être belle, elle est belle. Oh. Je vendrais mon âme pour elle. Moi, je donnerais ma vie pour une nuit dans son lit. Vive la mariée! Hurrah! La portière de la calèche s'ouvrit, et le boxeur Keller tendait déjà la main à Nastassia Philipovna lorsque cette dernière, poussant un cri, en sortit précipitamment. Terrifié, je la suivis des yeux. Je vis parfait Rogojine qui se tenait à 5 ou 6 pas du parvis. C'était vers lui que Nastassia Philipovna s'était élancée comme une folle. Oh, sauve-moi, Rogojine. Emmène-moi où tu voudras, mais tout de suite. Rogojine la souleva et la porta vers la calèche. Il donna au cocher un billet de 100 roubles et s'écria « À la gare! Fouette tes chevaux, cocher! Et si tu arrives avant le départ du train, tu en auras encore autant. On enlève la mariée sous le nez du mari. Ah, quelle histoire! Mes mignons! Je revins de l'église suivi des invités et des innombrables badauds de la petite ville. J'éprouvais un vif désir de me retrouver seul. Je m'arrêtai donc près de chez moi et me tournant vers mes accompagnants. Messieurs, vous avez joué aujourd'hui d'un spectacle unique et gratuit. Maintenant, il faut me laisser. Il faut me laisser pleurer mes dernières illusions et le malheur qui ne manquera pas de frapper Nastassia Philipovna et Parfen Rogojine. Soudain intimidé, mes accompagnants reculèrent. Je refermai la porte derrière moi et je me jetai sur mon lit. Bientôt j'entendis le bruit des bouchons qui sautaient en l'air, des exclamations et des rires joyeux. C'était sans doute Lebedev, le maître de séance, qui offrait de la vodka et des akouskis à tout le monde. Le lendemain, Vera, la fille de Lebedev, frappa à ma porte. « Il est 9h30, prince. » Hein? Pourquoi me dites-vous cela, Vera? Parce que je pense que vous voulez vous rendre à Saint-Pétersbourg et le train part à 9h50. Vous avez juste le temps de vous habiller? Merci, Vera. En effet, je dois me rendre à Saint-Pétersbourg sans plus tarder. Une heure plus tard, je sonnai chez les Rogojine. Personne ne vint m'ouvrir. Je sonnai de nouveau. J'arrachai presque la sonnette d'impatience. Enfin, une vieille servante entrebâilla à la porte derrière laquelle je me morfondais depuis plusieurs minutes. « C'est Monsieur Rogojine que vous voulez voir, n'est-ce pas? Eh bien, il n'est pas là. » C'était « L'idiot », un feuilleton de Georges Govy inspiré de Dostoïevski, avec Pierre Vanek, le prince Mishkin, Marcel Bozufi, Parfen Rogojine, Jean-Jacques Delbault, Lebedev, et Georges Géret, Xavier Liamone, Michel Bréhé, Théo Martin, Jean Combal, André Canter, René Ferral, Jean-Louis Lérac, Liliane Bell, Corinne Lanneau, Jacques Francel, et Sylvia Montfort, Nastassia Philipovna. Musique d'Edgar Cosma. Production réalisée dans les studios de la RTF à Nice par Yves Dariet, avec la collaboration de Jacques-Élie Moreau et le concours de la troupe dramatique régionale.